Le 4 décembre, après 54 heures de voyage, ils avaient déjà accompli près des 7 dixièmes de la traversée. Lorsqu'ils observèrent la Terre par la vitre inférieure, elle ne l'apparut plus que comme une tache sombre, noyée dans les rayons solaires. Le lendemain à minuit, la Terre devait être nouvelle, au moment précis où la Lune serait pleine. Cependant, le temps s'écoulait en conversations interminables. On causait de la Lune surtout. Chacun apportait son contingent de connaissances particulières. Barbicane Nicole, toujours sérieux. Michel Ardan, toujours fantaisiste. Le projectile, sa situation, sa direction, les incidents qui pouvaient survenir, les précautions que nécessiterait sa chute sur la Lune, c'était là matière inépuisable à conjecture. Lorsque Michel Ardan s'approcha du hublot latéral, il laissa s'échapper une exclamation de surprise. « Qu'est-ce donc ?» demanda Barbicane. Le président s'approcha de la vitre et aperçut une sorte de sac aplati qui flottait extérieurement à quelques mètres du projectile. Cet objet semblait immobile comme le boulet, et par conséquent, il était animé du même mouvement ascensionnel que lui. « Nicole, dit Barbicane, après un moment de réflexion, je ne sais pas quel est cet objet, mais je sais parfaitement pourquoi il se maintient par le travers du projectile. »« Et pourquoi ?»« Parce que nous flottons dans le vide, mon cher capitaine, et que dans le vide, les corps tombent ou se meuvent, ce qui est la même chose, avec une vitesse égale, quelle que soit leur pesanteur ou leur forme. « Mais j'y pense, dit alors Michel, pourquoi ne nous promenons pas au dehors comme ce bolide? Pourquoi ne nous lançons-nous pas dans l'espace par le hublot? Quelle jouissance serait de se sentir ainsi suspendu dans l'éther, plus favorisé que l'oiseau qui doit toujours battre de l'aile pour se soutenir ?»« D'accord, dit Barbicane, mais comment respirer ?»« Un maudit air qui manque si mal à propos. » »« Mais s'il ne manquait pas, Michel, ta densité étant inférieure à celle du projectile, tu resterais bien vite en arrière. » Alors, c'est un cercle vicieux. Tout ce qu'il y a de plus vicieux. Il faut rester emprisonné dans son wagon. Il le faut. Ah ! S'écria Michel d'une voix formidable. Qu'as-tu ? Demanda Nicole. Je sais, je devine ce que c'est que ce présent du bolide. Ce n'est point un astéroïde qui nous accompagne. Ce n'est point un morceau de planète. Qu'est-ce donc ? Demanda Barbicane. C'est notre infortuné chien. C'est le mari de Yann. En effet, cet objet déformé, méconnaissable, réduit à rien, c'était le cadavre de satellite, aplati, comme une cornemuse dégonflée, et qui montait, montait toujours.